Bonjour Tiffaine, les auditeurs vous retrouvent demain et moi je vous dis à lundi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier moment de notre série Franz Kafka dans la compagnie des auteurs, à l'occasion de la sortie en Pléiade de ses œuvres complètes retraduites. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Kafka est mort en 1924, à l'âge de 41 ans, avec le sentiment d'être déjà vieux depuis longtemps. À part La Métamorphose, aucune de ses œuvres célèbres n'a été publiée de son vivant, et il avait ordonné à son ami Max Bord de brûler l'ensemble de ses manuscrits, ce que ce dernier, bien sûr, n'a pas fait. Toute sa vie, il aura souhaité vivre comme tout le monde et tendre vers une sorte de stabilité, y compris amoureuse, sans jamais y parvenir réellement, comme nous l'avons vu lundi avec Florence Banco, au cours d'une émission disponible en téléchargement. Et puis mardi, Jean-Pierre Lefebvre est venu évoquer l'écriture à la fois transparente et énigmatique de Kafka. Il nous a parlé également de quelques-uns des rapports qu'il entretenait avec son corps, rapports particulièrement angoissés. Enfin, hier avec Jean-Pierre Morel, nous sommes revenus sur les deux romans les plus célèbres de l'écrivain, ceux qui ont donné le ton de son univers, c'est-à-dire Le Procès et Le Château. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, pour nous demander comment on peut mieux comprendre Kafka grâce à la sociologie, nous sommes avec vous, Bernard Lahire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'ENS de Lyon, ville où nous vous joignons aujourd'hui en duplex. Vous avez écrit un gros ouvrage intitulé Franz Kafka, éléments pour une théorie de la création littéraire, que vous avez publié en 2010 aux éditions de La Découverte. Vous aviez d'ailleurs déjà parlé de Kafka dans un autre de vos livres, La Condition littéraire, sous-titré La double vie des écrivains. C'était déjà à La Découverte, mais c'était en 2006. Et vous évoquiez Kafka comme une figure idéale typique de l'écrivain qui a à la fois un métier alimentaire, mais qui n'imagine pas d'autres raisons de vivre que d'écrire. Alors, vous aviez choisi Kafka, mais d'autres écrivains ont cette même caractéristique d'avoir à la fois un travail alimentaire parallèle à leur vocation. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet écrivain-là et pas un autre, Bernard Lahire ? Oui, alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre quelqu'un que je n'arrivais pas à comprendre, au fond, parce que je lisais Kafka, mais ça restait très mystérieux pour moi. Donc, comme je voulais essayer d'établir des liens très forts et pas simplement anecdotiques entre la vie de l'auteur, ses expériences et son œuvre, je ne voulais pas aller vers des auteurs plus faciles, on va dire, qui font de l'autobiographie qui est généralement assez repérable facilement, des romans réalistes où on parle quasiment de soi. Bon, voilà, la transposition est très légère. Mmh. Kafka, quand on dit, bah, il parle de lui, il parle de sa vie, il parle de sa vie comme écrivain tchèque, de langue allemande, juif, dans une famille donnée, etc., etc., on le voit pas trop apparaître comme ça de manière évidente dans l'œuvre. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était essayer de comprendre un auteur qui n'était pas simple à comprendre. Donc c'est finalement la difficulté qui vous a tenté chez oui. Kafka, et vous posez une question qui est une question assez vertigineuse et qui est: pourquoi Franz Kafka écrit-il ce qu'il écrit comme il écrit? Oui, c'est une question totale. Ben oui, parce que je pense qu'on peut à la fois comprendre les types de situations qu'il construit littérairement dans son œuvre, et aussi son style, sa manière d'exprimer ses expériences, ses situations. Et en tirant les fils, on voit très bien comment à la fois la manière d'écrire, mais évidemment les situations qui le travaillent et qu'il met en œuvre de manière très récurrente, presque obsessionnelle dans son œuvre, comment tout ça ne peut se comprendre au fond, en tout cas c'est le pari que j'ai fait, si on ne comprend pas sa propre expérience de vie. Voilà. Et en même temps, vous dites bien qu'il ne s'agit pas d'objectiver totalement la littérature de Kafka. Ce serait pour vous impossible de limiter son interprétation à la sociologie ? Bon, alors ce que je dis, il y a un vrai débat sur la question de l'interprétation des œuvres littéraires. Moi, je pense qu'il y a trop de chercheurs qui pensent que il y a une infinité d'interprétations. Mmh. Je pense que le travail des chercheurs, c'est au contraire d'essayer de limiter les interprétations, en tout cas vraisemblables. Voilà. Essayer de ne pas tomber dans des délires, parce qu'autour de Kafka, il y a quand même beaucoup de délires interprétatifs. C'est un auteur tellement mystérieux et son œuvre peut se prêter à tellement de projections, d'identification de situations qu'il n'avait pas en tête au moment où il écrivait, que c'est très difficile de ne pas produire une infinité d'interprétations. Et la question est de savoir s'il y a des interprétations de type scientifique, c'est-à-dire ce qui était dans l'horizon de Kafka quand il écrivait ce qu'il écrivait. Et c'est là où se place l'historien, l'anthropologue ou le sociologue, voilà, qui essaye de remettre Kafka au moment où il est en train de créer, dans le processus de création littéraire. Et en même temps, vous avez conscience, j'imagine, de choquer un certain nombre de littéraires, entre guillemets, purs. Roland Barthes disait lui-même que, selon lui, rien d'autre que le langage ne comptait en littérature. Vous le mentionnez d'ailleurs, mais vous passez cet obstacle. Finalement, comment est-ce que vous le passez, cet obstacle-là ? Déjà, Barthes a au moins l'intérêt de dire les choses clairement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il a des formules extrêmement nettes sur le fait que nous n'avons pas à aller chercher à l'extérieur de la littérature des principes d'explication de la littérature. Donc il n'y a pas de hors-littérature possible, le texte, rien que le texte, et on s'en tient à ça. Il y a même des commentateurs qui, dans le même sens, ont pu penser que c'était super d'avoir un auteur dont on ne connaissait rien pendant très longtemps. On n'avait pas, pendant longtemps, on n'a pas eu accès au journal, à la correspondance, etc. Donc on n'avait que le texte, c'était mystérieux, et on pouvait le commenter hors de tout référence. Le problème, c'est que même Barthes, quand il commente Kafka, il fait référence à des expériences biographiques, et notamment au rapport à son père, qu'il connaît par la lettre au père, qui n'est pas un acte littéraire, même si c'est une très belle lettre. C'est une lettre qu'il a adressée, enfin qu'il voulait adresser à son père et que sa mère a interceptée, on va dire. Mais donc même Barthes n'arrive pas à suivre le programme qu'il fixe. Et moi, je pense qu'il faut accepter le fait que les textes littéraires sont produits par des êtres tout à fait voilà, de chair et de sang, faits d'expériences sociales diverses et variées, qui ont eu des motivations pour rentrer en écriture plutôt que d'avoir envie de faire du commerce international ou je ne sais quoi, et qu'il faut comprendre tout ça, il faut comprendre pourquoi ils rentrent en littérature, quelles pulsions expressives ils ont, qui les motivent, qui les fait avancer, et qu'est-ce qu'ils ont à dire, quelque chose comme ça. Alors évidemment, en disant ça, on n'a pas dit grand-chose. Après, il faut travailler. Il faut travailler de près les expériences qui ont été celles de Kafka. Il se trouve que c'est un auteur dont on connaît beaucoup de choses, parce que évidemment, il a attiré tellement de recherches qu'on a beaucoup de choses biographiques, démographiques, sur le contexte de l'époque, sur le contexte même sur sa généalogie familiale. Il y a des chercheurs qui sont remontés très très haut dans la généalogie de Kafka, etc. Donc on a beaucoup de choses qui permettent vraiment de situer Kafka. Beaucoup de choses, mais peut-être trop de choses, parce que vous avez dû vous astreindre à lire, alors, bon, à la fois tout Kafka, ça encore, ça va, mais aussi toute l'exégèse, j'imagine. Et puis, à partir du moment où vous faisiez un travail réellement scientifique, toutes ces sources-là devaient entrer dans votre recherche. En tout cas, c'est ce qu'on imagine, Bernard Laïa. Eh ben oui, alors toutes les exégèses non, parce que c'est impossible. Hein. C'est sans doute l'auteur qui a produit, qui a suscité le plus de commentaires, d'exégèses, d'interprétations diverses et variées. Mais en revanche, toutes les recherches précises sur les contextes, on a des procès-verbaux de l'époque montrant qu'il y a de l'antisémitisme autour du magasin du père, par exemple. Enfin, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. On sait, encore une fois, toute la généalogie familiale avec une branche maternelle qui n'est pas de même nature que la branche paternelle. Elle est un peu plus culturelle, elle est plus bourgeoise. Le père est vraiment issu d'un milieu assez pauvre. On connaît des tonnes de choses, en fait. Alors ça, effectivement, il faut le lire. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la vie à Prague à l'époque, avec des juifs, des catholiques. Les juifs, évidemment, ne sont pas dominants, comme vous pouvez l'imaginer. Que c'est un début d'assimilation des juifs et de périodes plutôt favorables. Son père en a profité. Voilà, il faut comprendre tout ça. C'est une situation linguistique compliquée où on est à Prague, on parle le tchèque, mais aussi l'allemand, et Kafka parle un allemand qu'il sait un peu illégitime. Alors justement, on peut peut-être rentrer plus précisément dans cette étude du contexte, et en particulier dans le rapport qu'il a eu avec le milieu pragois. Pour cela, je voudrais vous faire entendre en introduction une archive de Milan Kundera. C'était en 1987. Il y a une image de Kafka comme un météorite qui a tombé du ciel, comme un Robinson qui vit seul dans une île tout à fait inconnue qui s'appelle Prague. C'est-à-dire, Kafka n'était pas un Robinson, il était vraiment ancré dans une tradition très vivante de la culture de l'Europe centrale et surtout de la culture pragoise. Prague, c'est la métropole du fantastique. Qui étaient les grands écrivains allemands à Prague que le jeune Kafka pouvait admirer? Aucun auteur réaliste, mais Gustav Meyrink. C'est pas Gustav Meyrink, l'auteur du Golem et des nouvelles et des romans fantastiques. En Occident, c'est dans le fantastique qu'on voit l'originalité et l'apport spécifique de Kafka. Or, c'est le contraire. Du point de vue de l'évolution de la littérature pragoise de l'Europe centrale, au contraire, c'est le fantastique qui fait le côté très traditionnel de Kafka, le côté très pragois. Et c'est au contraire par l'extraordinaire sens de la réalité, par la lucidité, que Kafka a dépassé, surpassé, surmonté les limites de cette tradition. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Bernard Laïr, je vais vous demander de réagir à ce que vient de dire Milan Kundera et puis peut-être de nous expliquer quels peuvent être les déterminismes justement historiques, sociaux, géographiques qui viennent du fait que Kafka est né là où il est né et pas ailleurs. Alors, je ne peux qu'adhérer au propos de Milan Kundera. Bon, déjà, effectivement, il dit bien les choses. Au départ, on a pris Kafka comme une sorte de Robinson sur une île, voilà, et un être un peu mystérieux qui n'est pas du tout ancré géographiquement, historiquement. Alors effectivement, il est à Prague et Kundera dit bien que il utilise des traditions qui sont fantastiques. Mmh. Ça, on l'a appelé un fabuliste réaliste. C'est quelqu'un qui fait à la fois du fantastique et qui est extrêmement réaliste. Enfin, Milan Kundera le disait. Hein. Moi, je pense que c'est très important de comprendre qu'il est effectivement le produit de nombreuses influences. Du point de vue du genre, là on est du côté du genre du discours, pas des contenus de sa littérature et des situations qu'il met en scène, mais de la nature un peu particulière de cette littérature. Alors il est à la fois effectivement très lié à des traditions qui mettent le fantastique en avant. Il y a aussi un côté onirique. Il a lu Freud, par exemple, et il utilise sans doute une partie de ce qu'il connaît du rêve et de ses propres rêves qu'il retranscrit. Hein. On a une soixantaine de rêves de Kafka qu'il a notés dans ses journaux, qu'il envoyait dans des correspondances à des amis, etc. Et il s'est beaucoup fondé sur les rêves aussi, qui ont un côté fantastique, pour cadrer en fait ces situations. Donc il utilise ça et en même temps il est extrêmement réaliste. Il a un projet de dire la vérité sur lui-même et sur le monde. C'est énorme. Et d'ailleurs, on pourrait dire c'est un projet philosophique ou scientifique. Kafka veut véritablement a des visées, voilà, de vérité. Mmh. Il veut dire des choses sur le monde qui sont des choses qui sont importantes, que les gens ne veulent pas voir. Il sait que c'est sale, il sait qu'il veut dévoiler, il y a l'idée de dévoiler, de réveiller les gens qui sont endormis, etc. Et c'est au confluent de ces choses-là qu'il a construit son œuvre littéraire. Mais plus globalement, on va dire que le fait d'être à Prague, qui n'est pas la capitale la plus dominante. C'est juste une grosse ville. Voilà. De l'Empire. Avec une vie littéraire extrêmement dynamique, hein. Il y a des cafés, il y a beaucoup de conférences. Il est allé à l'université et suivi des tonnes de conférences avec son ami Max Brod et d'autres, qui étaient en droit, souvent, comme lui, puisqu'il a un doctorat en droit. Et donc, c'est à la fois une capitale secondaire par rapport à, d'abord, Berlin, et puis après, Vienne. Mmh. Et donc, qu'est-ce que ça peut un peu à la marge. Voilà. Ce côté voilà secondaire, c'est le fait de se sentir à la marge. Et puis c'est aussi un peu comme vous commenciez à le dire tout à l'heure, le fait que lui-même est juif dans une ville et à un moment où il y a des violences anti-juifs. Est-ce que ça influe, j'imagine que oui, dans la littérature, dans ce qui deviendra la littérature de Kafka. Oui. Alors. Je crois pas me tromper. Il faudrait faire l'analyse entière et systématique du corpus en cherchant le mot, mais je crois pas qu'il y a le terme juif dans aucune de ces nouvelles, aucun de ces récits, de ces romans inachevés, etc. En revanche, il y a la figure du paria en permanence. Il a mis en scène beaucoup d'étrangers, de gens qui sont là et qui ne sont pas attendus, qui sont rejetés, qui ne sont pas dans la bonne communauté, etc. Et lui, c'est un étranger parfait, quoi, d'une certaine façon. Kafka, c'est quelqu'un qui se sent étranger à sa propre famille, pour plein de raisons, mais il va refuser l'héritage du père, son père voudrait qu'il devienne commerçant comme lui, il ne le veut pas, il devient écrivain, donc il a accepté de faire des études comme son père voulait qu'il fasse, donc il a fait du droit, généralement ça menait à des affaires, à des choses commercial, voilà. Et son père voulait le faire devenir quelqu'un comme lui. Il lui a mis une entreprise entre les mains, etc. Ça n'a jamais marché. Kafka ne voulait pas, il voulait être écrivain. Donc déjà, il se sent étranger, mal vu par sa famille, etc. Il se sent étranger aussi par rapport à ses amis qui se marient assez rapidement. Lui, il n'arrive pas à se marier. Mmh. Il a des problèmes sentimentaux, il a des problèmes avec le mariage. À la fois, il trouve que ce serait l'accomplissement idéal et en même temps, il n'y arrive pas. On pourrait revenir là-dessus. Mais c'est quelque chose qui le travaille tout au long de sa vie. Donc il est étranger aussi à ses amis et à cette situation de toute sa génération qui va se marier petit à petit. Il est aussi étranger avec une langue allemande à chaque fois qu'il va, par exemple, dans un sanatorium parce qu'il souffre de tuberculose. On remarque chez lui un accent. On lui dit, mais vous ne parlez pas, vous n'êtes pas de Berlin, vous n'êtes pas... Bon. Il comprend qu'il parle un allemand mais pas complètement légitime, avec un accent, etc. Et donc, il se sent un peu étranger à la propre langue qu'il maîtrise le mieux. Mmh. Et à chaque fois, il est étranger, partout, vis-à-vis des femmes, des institutions, dans son travail, évidemment. Hein. Et aussi, j'oublie donc, un point important. Et aussi, donc, dans sa famille, justement, je pense que c'est le moment de parler un peu davantage de la lettre au père, parce que, évidemment, oui. Quand on fait de la sociologie, on s'intéresse beaucoup aux rapports dans la famille. Oui. Je vous propose d'écouter un extrait de cette lettre au père, lu ici par Dominique Blanc. Très cher père, en ce qui te concerne, les choses se sont toujours présentées très simplement, du moins pour ce que tu en as dit devant moi, et sans discrimination devant beaucoup d'autres personnes. Tu voyais cela à peu près de la façon suivante. Tu as travaillé durement toute ta vie, tu as tout sacrifié pour tes enfants, pour moi surtout. En conséquence, j'ai mené la grande vie. J'ai eu liberté entière d'apprendre ce que je voulais, j'ai été préservé des soucis matériels, donc je n'ai pas eu de soucis du tout. Tu n'as exigé aucune reconnaissance en échange. Tu connais la gratitude des enfants, mais tu attendais au moins un peu de prévenance, un signe de sympathie. Au lieu de quoi, je t'ai fui, depuis toujours, pour chercher refuge dans ma chambre, auprès de mes livres, auprès d'amis fous ou d'idées extravagantes. Je ne t'ai jamais parlé à cœur ouvert. Je ne suis jamais allée te trouver au temple. Je n'ai jamais été te voir à Franzensbad. D'une manière générale, je n'ai jamais eu l'esprit de famille. Je ne me suis jamais souciée ni de ton commerce, ni de tes autres affaires. J'ai soutenu Otla dans son entêtement. Et tandis que je ne remue pas le petit doigt pour toi, je ne t'apporte même pas un billet de théâtre, je fais tout pour mes amis. Si tu résumes ton jugement sur moi, il s'ensuit que ce que tu me reproches n'est pas quelque chose de positivement inconvenant ou méchant, à l'exception peut-être de mon dernier projet de mariage, mais de la froideur, de la bizarrerie, de l'ingratitude. Et ceci, tu me le reproches, comme si j'en portais la responsabilité, comme s'il m'avait été possible d'arranger les choses autrement, disons en donnant un coup de barre, alors que tu n'as pas le moindre tort, à moins que ce ne soit celui d'avoir été trop bon pour moi. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Bernard Lahire, là encore, qu'est-ce que la sociologie peut nous apporter dans la compréhension de Kafka, de son attirance pour la littérature, quand on regarde son rapport avec, bon là en l'occurrence son père, mais peut-être qu'il faut aussi regarder du côté de sa mère, enfin avec ses parents et puis son origine familiale, voire même une généalogie qui peut remonter un petit peu plus haut. Alors déjà, sa lettre au père est tout à fait bouleversante. Enfin, moi, je la trouve à la fois... C'est difficile de la commenter comme sociologue, tellement cette lettre est sociologique. Ça peut paraître bizarre. Et tellement en fait... littéraire aussi, quand même. Ah, mais les deux. Mais c'est le sociologue peut aussi bien écrire, en fait. Ça peut arriver. On en est sûr. Donc, Kafka s'adresse à son père en lui disant « Bon, on va essayer de comprendre. Ils sont en conflit. Bon, ça va pas dans la famille. » Et il lui fait cette lettre qui est très très longue. Je me rappelle plus le nombre de pages. Mais enfin, c'est pas une lettre de 2-3 pages. Oui, c'est un texto. C'est quelque chose qui... une façon de faire le bilan et le point en lui disant « Bon, je ne suis pas responsable, mais tu n'es pas responsable non plus de ce qui nous arrive. Il nous arrive quelque chose et je vais essayer de le débrouiller. » Au fond, c'est ça qu'il lui dit. Et donc, il analyse toute la structure familiale. Il lui dit « Tu as telle position, tu te comportes comme ça parce que tu as eu le parcours que tu as eu. » Donc, c'était dit dans l'extrait lu par Dominique Blanc, c'est-à-dire le côté homme qui a réussi. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu très très pauvre, son père, qui a travaillé très tôt, qui a fait ses universités, comme disait Kafka, à l'armée. Il est rentré très tôt à l'armée. Donc c'est lui-même l'homme d'une rupture par rapport à son propre père, le père de Kafka. Il est en très grande ascension sociale. Voilà. Il travaillait à l'âge de 13 ans, il arrive à se hisser. Alors c'est plutôt une période favorable aux Juifs qui sont assimilés, qui sont acceptés un peu plus dans les villes, etc. Et il bénéficie de ce mouvement-là. Et il fait un beau mariage, comme on dit, parce qu'il épouse une fille juive, mais de la bourgeoisie, qui a déjà pris de l'avance du point de vue de la position sociale. Mais d'une famille qui va être une famille où on trouve des gens plus originaux, plus de célibataires aussi, plus de gens qui lisent, plus de gens qui réfléchissent que du côté du père où, comme on l'a dit, on est d'extraction plus basse, entre guillemets. Donc ça peut être aussi important, j'imagine, c'est très important. C'est très important parce que Kafka s'identifie au pôle féminin. Il est clairement du côté de sa mère. Et d'ailleurs, on le compare à un oncle qui est un oncle fou. Voilà. Donc lui, il a vite compris qu'il était regardé comme un fou. Il le dit dans l'extrait, là, on l'a entendu. Voilà, tu me reproches de fréquenter des fous, c'est-à-dire des artistes, des gens qui font des choses un peu bizarres, etc. Donc là, ce qui se joue entre la branche maternelle et la branche paternelle, c'est un conflit entre l'économique et le culturel, d'une certaine façon. La mère représente plus ce pôle-là, et Kafka en a bénéficié, d'une certaine façon. façon dans son éducation, dans le souci de lui donner une éducation bourgeoise très développée. Il a eu des enseignantes de français, il a lu très tôt, etc., etc. Donc il a bénéficié de tout ça. Mais alors pour revenir, pardonnez-moi, à la question de l'héritage. Donc le père est en rupture par rapport à son propre père, oui. Et Kafka est en rupture avec son père. Donc oui. Il y a quelque chose que vous soulignez bien, d'une sorte d'hommage finalement rendu à la personnalité en rupture du père, en étant lui-même en rupture, mais finalement, donc ça ne fait que des lignes brisées. Personne n'arrive à être dans la continuité d'une génération à l'autre dans la famille Kafka. Oui, mais d'une certaine façon, c'est assez drôle parce que c'est un peu le même parcours que celui d'un philosophe qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, qui a refusé l'héritage de son père, qui était un grand industriel, mais qui, en refusant l'héritage et en repartant à zéro dans un autre domaine, finalement refaisait le même geste que le père, qui était parti de très bas. Oui. Donc en fait, ils se mettent dans une situation d'hériter plutôt de l'attitude du père, parce que Kafka rentre dans un domaine. Voilà, c'est l'intellectuel de première génération, comme on dit. Son père n'était pas un intellectuel, et donc il fait un pas de côté. Sauf que il a intériorisé quand même toutes les valeurs de son père. C'est ça le drame de Kafka et qui va développer dans son œuvre. Est lié à ce point-là, c'est-à-dire que son père, il est admiratif de son père. Contrairement à ce qui est dit dans l'extrait là, c'est beaucoup plus compliqué. Il dit oui, je me suis jamais occupé de tes affaires, de ton commerce, etc. C'est plus compliqué. Il arrête pas de dire que son père est admirable. Il est admirable pourquoi ? Parce que c'est un homme de volonté ? Absolument. C'est un homme fort, c'est un homme puissant, c'est un homme d'action. Il le voit, il a des passages de description de son père dans le magasin. Il voit comme une sorte de dieu qui est là et qui règne sur tout, engueule les employés, et extrêmement actif, puissant. C'est aussi pour lui quelqu'un qui a réussi à se marier, à faire des enfants, à s'élever socialement, etc. Pour lui, c'est une force. Et il est admiratif de cette force. Mmh. Et il se voit toujours comme le point faible dans cette relation. Et d'ailleurs, quand on voit les photos où lui-même les commente parfois, parce qu'il dit, je me rappelle petit, quand je te tenais la main, c'était comme un petit sac d'os qui tenait la main d'un géant, quoi. Voilà. Ouais. Et quand on les voit sur des photos, on voit que c'est pas les mêmes gabarits. Kafka mangeait très peu, il est très maigre, il est quasi anorexique. Et il a un père qui mange, il le décrit comme mangeant beaucoup, des saucisses, des choses qui lui le dégoûtait profondément. Voilà. Donc il y a une opposition très très forte entre le père et le fils. Et en même temps, une admiration du fils pour le père. Alors, on ne peut pas. Ça embarrasse sa vie en permanence, voilà. On ne peut pas, Bernard Lahir, parler en sociologue si on ne parle pas de profession, si on ne parle pas de formation. Mmh. Et là encore, vous rappelez le fait que Kafka est un juriste qui va travailler dans une société d'assurance. Et pour vous, c'est loin d'être anodin et ça permet de comprendre en grande partie les grandes thématiques de l'œuvre. Ben, non seulement les thématiques, mais le style. Alors, pour commencer par les thématiques, effectivement, ça n'est pas un hasard s'il écrit des textes qui font explicitement référence à des scènes judiciaires. Vous avez le verdict, cette nouvelle qui est très connue. Vous avez évidemment le procès avec la machine judiciaire qui est au centre. Il y a beaucoup de situations utilisées, d'images judiciaires utilisées par Kafka. Donc il utilise ça, parce que c'est son univers professionnel. Donc Kafka n'aurait pas écrit le procès s'il n'avait pas été un juriste, c'est ça un peu que vous dites? Bah, c'est pas aussi mécanique que ça, mais il aurait pris d'autres images. Voilà, il aurait utilisé d'autres cadres pour faire la métaphore centrale de son œuvre. Mais effectivement, ça joue. Il y a pas de doute là-dessus. Et puis, alors, de manière plus subtile, il y a le style. Il écrit un peu comme un juriste, quand même. Il a une écriture qui simplifie en permanence. Mmh. Il déteste tout ce qui est lyrique, tout ce qui est effusion. Bon, l'écriture juridique n'est pas toujours très simple, pardonnez-moi Bernard Lahir, mais... Oui, mais alors simple dans un sens, oui, vous avez raison, il faut que je précise. Quand vous écrivez un cas en tant que et sans jeu de mots d'ailleurs, voilà, vous avez une affaire, il y a un cas... Une jurisprudence. Voilà, une jurisprudence. eh bien, vous utilisez souvent des abréviations, juste la première lettre du nom ou du prénom. Donc, ça n'est absolument pas étonnant que Kafka ait mis un K ou un Joseph K, etc. Ça, c'est très fréquent dans la littérature juridique. Et puis, vous avez une absence de toute description, la plupart du temps, des personnages. Mmh. Vous cherchez les descriptions, par exemple, de Joseph K dans le procès, plutôt de K dans le château. Et vous voyez que on sait à un moment donné qu'il a les yeux noirs. Voilà. C'est tout ce que vous savez. On ne sait pas qui il est exactement, ni pourquoi il arrive. Non, enfin, on le devine vaguement, mais justement, c'est tout l'intérêt de ne pas s'attarder précisément à la biographie du personnage. Oui, Kafka n'est pas un romancier réaliste au sens de Balzac. Voilà. Balzac multiplie les références à comment les gens sont habillés, comment ils se tiennent, comment leur coiffure, tout ce que vous voulez. Et même description de paysages, pardon. Chez Kafka, il n'y a plus rien de tout ça. Les personnages jouent des rôles. Ils sont là pour une fonction particulière et dans des situations particulières. Or, l'écriture juridique va à l'os, si je puis dire, puisque l'idée, c'est d'arriver à dire quelque chose d'une situation qui est juridiquement traitable. Alors Bernard Laïr, vous restez avec nous, on va continuer cette conversation sur Kafka et la sociologie, juste après la traditionnelle chronique de la Compagnie des auteurs. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et comme chaque jeudi, nous demandons à une grande lectrice ou un grand lecteur de venir évoquer librement l'auteur dont il est question ici toute la semaine. Nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui Olivier Barbaran. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale, spécialiste notamment de la poésie d'Aragon. Vous êtes poète vous-même et vous êtes, je crois en tous les cas que vous l'êtes, amateur de Kafka. C'est bien ça ? Oui, aussi surprenant que ça puisse un peu paraître, tant Kafka ne représentait pas pour le lecteur que j'étais une écriture qui corresponde véritablement à mes goûts premiers. Mais c'est ce genre d'amour qu'on a pour des auteurs qu'il a fallu conquérir et qui ne répondent pas d'emblée à votre sensibilité. Ce que j'ai retenu de lui, c'est un certain degré d'abstraction qui, au départ, pouvait me faire m'éloigner de lui, tant j'aime aussi la chair des choses, et il est plutôt dans des constructions mentales, et en même temps, ces constructions mentales sont absolument sensibles, vibratiles, et elles ne vous quittent plus. C'est un poète, Kafka ? Je crois que oui. Je crois que oui, et par les constructions imaginaires qui sont les siennes, dans l'amplitude des romans, et aussi par l'extraordinaire puissance de certaines phrases, notamment dans ses écrits les plus intimes, c'est-à-dire les lettres à Milena ou la lettre au père. Mmh. Alors la lettre au père, c'est peut-être le texte qui vous est le plus cher, Olivier Barbaran, pour quelle raison ? Parce qu'il correspond davantage, sans doute, à ma propre sensibilité, en ce que j'y entends une voix, alors que tout le travail de Kafka consiste à faire passer sa voix derrière des grandes figurations un peu abstraites. Là, on est au plus près de la personne, de la fiction autobiographique, je dis bien fiction, mais en même temps de la déclaration autobiographique, et c'est sans doute une littérature qui me correspond davantage. Je ne suis pas sûr qu'elle soit exclusivement une clé, je ne veux pas réduire l'univers de Kafka et ses élaborations les plus profondes du point de vue politique, historique, intellectuel, philosophique, à cette seule clé du rapport à la paternité, mais il me semble qu'il se joue quand même quelque chose comme la source d'une voix, et c'est ça qui m'y a bouleversé. Mmh. Qu'est-ce que Kafka vous aurait appris, et peut-être qu'il ne vous a pas appris les mêmes choses au fur et à mesure de vos diverses lectures ? Vous avez parfaitement raison d'insister sur ce point, c'est un auteur aussi dont la richesse est telle que je ne l'ai pas lu de la même manière de décennie en décennie, y revenant régulièrement, mais je me souviens très bien de l'effroi et du sentiment de répulsion et de mise à distance de l'adolescent que j'étais à la lecture des premiers textes et d'abord de la Métamorphose tout simplement, mais qui m'avait effrayé et dont j'avais décidé que c'était justement intellectuel, une construction pour mieux me défendre d'une certaine façon de rentrer en connivence avec ce texte ou de l'entendre déferler en moi. Et puis, le caractère glacé a fait place à une autre tonalité dont je pense qu'elle est aussi chez Kafka et qu'il m'a fallu l'apprendre à l'entendre, c'est-à-dire comme un immense éclat de rire tragique qu'il peut y avoir. Mais ce comique, les jeunes gens ne sont pas forcément prompts à l'entendre, il faut avoir un peu vieilli. Et puis quelque chose se stabilise qui me fait dire que ce n'est ni du comique, évidemment, ni cette construction glacée, mais quelque chose de beaucoup plus finalement complexe que ces deux tonalités successives qui ont servi un peu à me préserver. C'est un auteur dont, à mon avis, que j'ai dû construire ou conquérir en moi pour laisser entendre la vérité qu'il déploie. Mmh. Mais c'est un auteur pour la jeunesse ? Il y a des jeunesses peut-être plus fortes que la mienne, qui sans doute y gagneraient, oui. Mmh. Alors vous avez pensé, en réfléchissant à un poète qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, entrer dans l'orbite de Kafka, à Frank Venaille qui vient de disparaître. C'est peut-être aussi pour lui rendre hommage que vous avez envie de parler de lui aujourd'hui, soyons Olivier Barbarin. Franc, c'est d'abord pour lui rendre hommage et parce qu'il vient de disparaître. Mais il est vrai que, lisant le dernier texte, qui est un texte posthume, et déjà ce simple signe est déjà un signe un peu kafkaïen, qu'est l'enfant rouge, il m'a semblé entendre dans cette manière justement d'aller à la rencontre de l'origine d'une voix, en assumant les fragilités, quelque chose de ce que j'aime dans la lettre au père, c'est-à-dire le dénudement de ce qui constitue l'enfance en nous et qui continue de travailler, une enfance qui n'est pas forcément mièvre. Et je crois qu'il y a aussi dans le positionnement devant l'histoire de Frank Venaille, devant ce sentiment de sujets qui veulent absolument être libres, mais qui ne se construisent pas en conquérant. Enfin, Frank Venaille ne s'est jamais pris ni pour Claudel, ni pour Victor Hugo, mais plutôt, il a essayé de dire ce qu'était de se débattre dans des situations historiques qui vous sont faites. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, en tout cas, comme un écho d'un positionnement que Kafka nous a appris. Mmh. Vous voulez nous en lire un extrait ? Oui, un court extrait. C'est un texte passionnant qui se donne là aussi d'une seule traite, sans paragraphe, que ce bref « Enfant rouge » publié au Mercure de France ce mois-ci. « Ce soir, je frissonne devant la librairie. Il faudrait pouvoir passer sans encombre de l'ombre à la lumière, comme dans un film de Fritz Lang. Ce monde est plus puissant que je ne le suis moi-même, pense celui qui fut et sera moi de 11 ans. La rue Titon, oui, j'y songe. Sommes-nous tristes? Sommes-nous gais? Sommes-nous d'accord avec la nouvelle géographie politique du monde? Il respire. » Il sent qu'il pourrait se précipiter à la station Faidherbe-Chaligny et sauter dans le métro sous les applaudissements des voyageurs. Oh, petite ombre, tu es chez toi partout dans la ville et ses chantiers. Quelque part, la caisse enregistreuse fonctionne. Lui marche à petits pas, le dos résolument tourné à la scène. Tout s'achète et se vend. Comment trouver dans ce Capharnaüm un analyste comportementaliste spécialisé dans le sentiment d'angoisse chez les merles? Il lui reste ses discours. Merci, Olivier Barbarin. Toujours la compagnie des auteurs sur France Culture et nous terminons aujourd'hui notre série sur Franz Kafka en nous demandant comment la sociologie peut nous aider à comprendre son œuvre. Nous le faisons avec le sociologue Bernard Lahire avec nous en duplex depuis Lyon. Et pour entamer cette seconde partie, une archive de la critique Marthe Robert issue d'un entretien qu'elle avait donné à Dominique Arban. Je crois qu'il faut tout de même bien se représenter tous les aspects absolument contradictoires de la personnalité de Kafka. Par exemple, il avait acheté cette usine. Ça paraît tout de même très étrange. Pourquoi ? Eh bien, pour gagner de l'argent. Certainement. N'est-ce pas ? Il avait cru vraiment faire une bonne affaire. Encore une fois, il admirait énormément les gens qui faisaient des affaires. Mais une fois que cette usine a été dans la possession de sa famille, de lui-même, de son beau-frère et de lui, bon, l'idée de s'en occuper, l'idée d'arracher du temps à la littérature pour passer ses après-midi dans cette usine, surtout au moment où la guerre de 14 a été déclarée, où son beau-frère a été mobilisé, il n'y avait plus personne qui s'en occupait, le rend fou. Je crois que Kafka aurait été fait pour diriger cette usine si justement il avait pu lui donner du temps, n'est-ce pas ? Il était doué certainement pour ça. Ça n'était pas un rêveur. C'est ça que je voudrais surtout souligner, n'est-ce pas ? C'était surtout pas un pêcheur de lune. Ce n'était pas un rêveur, ce n'était pas un homme qui cultivait le rêve et le fantasme, mais tout le contraire. Tout ce que nous voyons, si vous voulez, dans ce volume de lettres qui est au fond une partie essentielle de son œuvre, c'est quelqu'un qui, au fond, ne cherche qu'une chose, c'est se fixer quelque part, se fixer sur Terre, et pour cela, travailler avoir un travail manuel. Ce qu'il reprochait surtout à son travail de bureau, c'est que c'était des paperasses, c'est que c'était encore des écritures, de fausses écritures, celles-là, par rapport à la littérature, et que ça n'était pas un travail productif. Si vous voulez, il souffrait de travailler dans ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième secteur. Il aurait voulu avoir un métier manuel. C'est pourquoi il est allé travailler chez un jardinier, et puis ensuite, pendant très longtemps, chez un menuisier. Analyse presque sociologique, même sociologique, pourrait-on dire. Bernard Lahire de Marthe Robert, qu'est-ce que vous en gardez? Ah oui, mais qu'elle a tout à fait raison. Enfin, en plus, Marthe Robert, qui connaît très très bien l'œuvre et le parcours de Kafka, est celle qui a sans doute préfiguré tous les travaux de réflexion sociologique sur Kafka. Et elle sait qu'il était travaillé par des pulsions contradictoires et qu'effectivement, c'est pas un rêveur. Mmh. C'est pas quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui voudrait avoir un contact avec la nature, qui voudrait avoir un contact et qui essaye de l'avoir. Hein. Mais en même temps, il reste très urbain, il voudrait s'émanciper de son père, mais il adore son père, et il est fasciné par son métier. Voilà, donc il est à la fois dans le dégoût et l'admiration en permanence pour les choses, c'est très très compliqué, et c'est pour ça qu'il c'est quelqu'un qui a souffert beaucoup tout au long de sa vie, courte, mais voilà, il a été pris dans des contradictions redoutables, parce qu'il a intériorisé à la fois des envies. Il aurait voulu être marié, il aurait voulu être comme son père, installé, avoir une entreprise, faire des affaires, commerce, donc, ouais. Voilà, faire des affaires, pouvoir avoir des enfants, les élever, etc., etc. Quoi, voilà, être un bon bourgeois d'une certaine façon, c'était ouais. Son rêve, et en même temps, il en était incapable. Mais voilà. Alors, vous dites que c'est un homme qui n'est pas, enfin, vous le dites avec Marthe Robert, hein, qui n'est pas forcément un doux rêveur, mais c'est pas non plus un homme d'action. C'est un petit peu entre les deux, quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'observateur. Et absolument. L'observateur, c'est précisément un petit peu le sociologue. Enfin, on oui. peut être observateur et en faire de la littérature, du journalisme, mais aussi de la sociologie. Est-ce que vous avez l'impression qu'il était un petit peu sociologue? Alors, moi, je termine l'ouvrage en disant que ça n'est pas une vue de l'esprit de considérer, quand on met toutes les pièces du dossier sur la table, que Kafka n'était quand même pas loin de faire de la sociologie, parce que il y a quand même beaucoup beaucoup d'indices qui vont dans le même sens. C'est quelqu'un qui ne cesse d'être observateur. Il conseille d'ailleurs aux gens, quand ils souffrent d'une situation, je crois que c'est à Gustave Janouche qu'il disait, Janouche lui disait qu'il souffrait de sa famille, qu'il ne les supportait pas, il lui conseillait de les observer, voilà, pour moins souffrir. Et lui, c'est ce qu'il faisait. Il écrit à des moments où il est en train d'observer sa famille en train de jouer aux cartes. Il est extérieur, il a toujours un pas de côté. Donc il y a une conviction chez lui oui. que ce qui fabrique l'être humain, ce qu'il détermine, c'est peut-être davantage le fait que ce sont des êtres sociaux que oui. des êtres de psychologie, parce qu'on sait que, même s'il s'est intéressé, et vous l'avez rappelé, aux travaux de Freud, il avait aussi une forme de réticence vis-à-vis de la psychanalyse. Est-ce que ça vous semble correct de dire ça? Oui, oui, oui. En fait, il dit très clairement, ça pourrait être le propos d'un sociologue tout à fait contemporain, les hommes sont des êtres sociaux de bout en bout. Mmh. Voilà. Il n'y a pas une chose qui échappe au monde social. Et il s'interroge sur beaucoup de choses. Il se demande pourquoi les gens sont arrivés, par exemple, à tel métier. Il voit dans la rue quelqu'un distribuer des tickets, et il se demande comment une personne peut en arriver là pour faire cette fonction. Voilà. Mmh. Et il se demande si lui, il aurait été capable de le faire. Est-ce qu'il a la bonne histoire pour arriver jusqu'à ce point-là, à un jour distribuer des tickets? Enfin, vous voyez, il se pose des questions d'ethnologue ou de sociologue. Il est toujours en train de se demander pourquoi les gens font ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il fait? Et alors, il va chercher les réponses du côté des habitudes qu'ils ont eues, des éducations qu'ils ont eues. Il se demande pourquoi une peuplade de Sibérie, dont le nom m'échappe, ne quitte pas leur pays, alors qu'il fait si froid et que les conditions sont si rudes. Ben, il répond, il dit en fait, ils ont tellement été préparés à ça, ils sont nés dedans, donc ils ont intériorisé l'évidence de la situation qui s'est imposée à eux. Donc il fait une analyse un peu du champ, si l'on peut dire, dans lequel ou dans des champs dans lesquels se trouvent certaines personnes qu'il croise. J'emploie à dessein un mot qui est un mot bourdieusien. Je crois que Bourdieu était votre maître en sociologie, et puis surtout lui, il avait, comme vous, travaillé sur la question du champ créatif, enfin du champ littéraire, et notamment autour du cas de Flaubert dans son livre « Les règles de l'art ». Vous le rappelez également dans votre livre. J'imagine que vous vous êtes beaucoup inspiré, enfin que vous avez beaucoup lu ce livre. Qu'est-ce qu'on peut dire du rapport de Kafka avec le champ justement littéraire, le champ culturel dans lequel il évolue, et en quoi ça a pu déterminer son travail, Bernard Lahire? À la fois, je suis d'accord avec l'analyse de Bourdieu qui consiste à replacer un écrivain à l'intérieur d'un ensemble d'écrivains. Et en même temps, je suis assez critique quand même sur le fait qu'on réduise une littérature et les raisons d'une littérature, de ce qui est écrit comme c'est écrit, à des luttes dans le champ, grosso modo, ou à des stratégies de concurrence, etc. De distinction. Oui, de distinction, voilà. Il y a d'autres auteurs, donc pour exister dans le champ, il faut être différent, et au bout d'un moment, cette logique-là réduit finalement les œuvres littéraires à des résultats pour réussir un concours. Voilà. Mmh. Moi, ça me paraît limité, mais je pense qu'il a raison, effectivement, il faut se poser aussi la question de Kafka, par rapport à quels écrivains il se situe, qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il déteste. Et donc, je fais ce travail-là aussi dans l'ouvrage. Mais moi, je pense qu'il faut pas oublier que Kafka ne naît pas dans le champ littéraire. Un écrivain, ça ne naît pas dans le champ littéraire, ça naît dans une famille, bêtement. Mmh. Et que du coup, il faut repartir du début. Et en plus, dans le cas de Kafka, ne pas comprendre que c'est ses expériences déjà familiales qui vont être travaillées tout au long de sa vie, que même quand il s'intéresse à la politique, au pouvoir, il lit des anarchistes, il lit des socialistes de l'époque, etc. Mais c'est toujours la figure de l'autorité, et on retrouve le père derrière. C'est pas une lecture psychanalytique, c'est juste qu'il y a un ordre d'expérience et un ordre dans l'expérience, et que cet ordre est chronologique, qu'on commence par la famille, puis ça continue à l'école, puis avec les amis, et au travail, et ainsi de suite. Donc c'est la question de l'autorité, la question du pouvoir qui est plus importante pour Kafka, selon vous? Moi, je pense que à peu près 90% de la production kafkaïenne ne parle que de domination et de pouvoir. Enfin, c'est en permanence. Et surtout du point de vue de ceux qui sont dominés. Et de la culpabilité qu'ils peuvent avoir, du fait qu'ils se vivent comme victimes, qu'ils peuvent s'auto-déprécier, se sentir plus bas qu'ils ne sont, bien souvent, tout en ayant des admirations fantasmées pour ceux qui ont le pouvoir. Il essaye de travailler ça. Parce et en même temps, dans le procès, c'est ça qui était crucial. Le personnage n'est pas un dominé au sens économique, par exemple, puisqu'il travaille dans une banque et qu'il a l'air d'être un bon bourgeois. Oui, mais en fait, cet aspect-là réaliste de l'œuvre, en fait, elle n'est pas centrale. C'est une formidable métaphore que le procès, puisque ça s'ouvre sur l'arrestation de quelqu'un qui demande, enfin qui pense à du coup être emmené en prison par les officiers de police qui viennent le voir, et on lui dit non, continuez votre vie comme d'habitude. Donc on voit bien que c'est pas une arrestation comme les autres. Et lui, il se met à essayer d'avoir des raisons de cette arrestation. Et c'est lui-même qui va chercher, qui va jusqu'au tribunal pour essayer de voir qu'est-ce qui lui arrive. Mais c'est un faux tribunal. C'est évidemment pas un tribunal réel, réaliste. C'est un tribunal intérieur. Oui. À un moment donné, pour résumer les choses, en fait, il y a un avocat qui lui dit peut-être que l'affaire s'arrêterait là si vous arrêtiez d'aller au tribunal. C'est quelque chose dans la vie réelle qui ne marcherait pas. Si on vous convoque au tribunal, s'il y a un procès en cours, vous ne pouvez pas y échapper en arrêtant d'y penser, en arrêtant d'y aller. Mais c'est parce que Kafka indique de temps en temps que le statut de ce qu'il est en train de raconter. Et encore, on est dans la sociologie là, parce qu'on est plutôt dans l'extra-sociologique, justement, on est dans l'irrationnel complet. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la sociologie parce que il fait travailler. On constate qu'il travaille, il fait travailler dans l'ordre littéraire des questions qui lui viennent de la relation, notamment avec son père, et de toutes les situations qu'il va observer à partir de cette expérience cruciale. Qu'est-ce que c'est qu'être dominé et qu'intérioriser la domination et de participer par son attitude même à sa propre domination et au fait qu'on devient une victime du pouvoir parce qu'on prête trop au pouvoir. Et ça, c'est par exemple comment son père se comporte avec ses employés dans son magasin, c'est-à-dire qu'il se comporte de manière assez dure. Oui. Et puis lui-même, dans la lettre au père, il dit voilà, on attend le soir que tu arrives et on sait qu'on aura fait quelque chose de mal, mais on sait pas quoi. Voilà. On sait qu'on va se faire engueuler, on sait qu'on va se faire disputer, qu'on sera coupable de quelque chose, mais on ne saura jamais exactement quoi. Mais on gardera ce sentiment de culpabilité de celui qui est petit, qui est faible face au puissant, qui sanctionne, n'est jamais content, rappelle les autres à leur attitude ingrate, par exemple. Dans le cas du père, là, il reprochait à ses enfants de ne jamais assez témoigner de leur gratitude par rapport à ce qu'il leur avait apporté. Et donc les enfants étaient tous sous domination paternelle, dans l'incapacité de vivre. Mais lui-même, pardonnez-moi, peut aussi reproduire sur ses sœurs, par exemple, une forme de domination. Ah oui, complètement. C'est d'ailleurs assez drôle parce que il se voyait un petit peu en coach sportif avec ses sœurs. Il leur disait voilà, on va faire de la gymnastique. Alors il fallait se mettre un peu dénudé avec une fenêtre ouverte. Il faisait très froid. Ça c'est l'ascétisme de Kafka. Oui. Mais enfin, disons qu'il prenait pas forcément de gants avec ses sœurs et ça a été noté par quelques commentateurs le fait que Kafka pouvait se comporter lui aussi de manière un peu tyrannique avec ses propres sœurs. Mais quand même, pour revenir un petit peu à cette idée du champ littéraire que vous évacuez en partie, mais pas totalement, lui était-il un dominateur dans le champ littéraire, même si on sait qu'en fait il n'a que très peu publié, ou est-ce qu'il était réellement un dominant? Parce qu'il avait tout de même le sentiment d'être un écrivain puissant, et ça il l'avait intériorisé, donc il serait peut-être du côté de la domination d'une certaine manière. Qu'en pensez-vous, Bernard Lail? Moi, ce que je pense, c'est que il est là aussi dans une situation très contradictoire. Il a des moments où il dit dans son journal, notamment, qu'il a des ambitions folles en littérature. Mmh. Et je pense que dans sa tête, il atteint des sommets, et il veut atteindre des sommets littéraires que personne n'a atteints. Bon. Donc il a de grandes ambitions. Et lui-même, après, commente, on a des commentaires de Kafka qui lui-même dit « Mais pour qui tu te prends ?» Juste après avoir exprimé ses ambitions, il dit pour qui tu te prends. C'est très compliqué. Donc c'est quelqu'un qui visait très très haut littérairement et qui savait qu'il était en train de casser quand même les conventions littéraires de son époque. Son grand ami Max Brod, quand on lit ses textes, on voit du roman réaliste, enfin c'est du sous Balzac, enfin je sais pas comment dire, mais enfin c'est pas un effort littéraire considérable. Et pourtant ça marchait très très bien, il vendait beaucoup de livres. Exactement. L'écrivain sûr de lui qui est dans des maisons d'édition prestigieuses, qui a des dizaines de livres publiés, etc., c'est Max Brod. Lui, il n'existe pas. Il a publié un recueil de nouvelles qui n'a pas marché du tout. Et voilà. Et donc, à plusieurs reprises, vers la fin de sa vie, il estime qu'il n'est pas véritablement un écrivain. On devient écrivain quand le monde l'a quand même reconnu. Est-ce que c'est pour ça qu'il demande qu'on brûle ses manuscrits? Comment vous l'expliquez, vous, en sociologue, Bernard Lailler, ce fait-là? Alors ça, c'est compliqué. Tout le monde dit qu'il demandait à son meilleur ami de ne pas brûler ses œuvres, ce qui était le meilleur moyen de s'assurer qu'elles ne seraient pas brûlées. Parce qu'il savait très bien que Max Brod était admiratif de ce qu'il faisait. Et donc, on peut s'interroger sur le degré de... Il y avait de la coquetterie, peut-être. Oui, enfin c'est une manière de dire tout ça ne vaut rien. Je n'ai pas réussi à terminer mes romans. Aucun de ces romans quand même n'a été publié, achevé, alors que c'est des œuvres quand même majeures. Le procès, le château, Amérique, tout ça n'a pas été publié et il n'était pas sûr totalement lui-même d'être devenu un vrai écrivain puisque le monde éditorial, il n'était pas. Il n'avait pas beaucoup proposé de textes. À chaque fois qu'on lui proposait de publier des textes, il le faisait. Donc c'était pas quelqu'un qui était si secret que ça. Merci beaucoup, voilà. Bernard Lahire. Pour aller plus loin, je conseille à nos auditeurs votre ouvrage Franz Kafka, élément pour une théorie de la création littéraire, paru aux éditions de La Découverte en 2010. Également, La condition littéraire, la double vie des écrivains, paru là aussi à La Découverte, mais cette fois-ci en 2006. C'est la fin de notre série Kafka, mais vous pouvez continuer évidemment d'écouter l'adaptation en 10 épisodes que vous propose France Culture dans le feuilleton. C'est à 20h30 tous les soirs, il y a 10 épisodes. Merci à Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Malonda, Stéphanie Vellin et Inès De Bruyne. Demain, vous retrouvez Manu Farine pour une émission intitulée Les pavés d'Apollinaire. Ce sera évidemment de la poésie, mais la poésie c'est également tout de suite grâce à Jacques Bonafé. Bonjour la compagnie. Ces mots seulement, nous avons plaisir à vous dire, Abdelatif Labi, à dire cet espoir à l'arraché, parlez votre chant. À lui j'appartiens, pourrait se chanter. Ah, et maintenant, seul le poème compte, plus fort que la vie, plus fort que la mort. J'ose le dire, je sais d'où il vient, et à bord de quelle douleur, ne ménageant ni l'esprit, ni la chair, à lui j'appartiens, et à lui je retourne. Alep, pas un mot sur Alep, tu ne peux pas. Dit-on quoi que ce soit lorsqu'on reçoit une balle entre les yeux ou un coup de poignard en plein cœur. Tout au plus l'on s'offusque quelques secondes avant de s'abandonner au néant, en laissant échapper une larme, sans se rendre compte de son poids écrasant. Pas un mot sur Alep, tu ne peux pas. Tu n'es qu'un spectateur, impuissant, mort de honte, piégé dans ce lupanar sordide qu'est devenu la langue, témoigner, dénoncer. Vas-tu continuer à t'en gargariser? Je te dis, pas un mot sur Alep, tu ne peux pas. 14 décembre 2016. Et comment ne pas enchaîner la coupe? La coupe est pleine. En voici la composition. Un petit fond de désespoir donnant à la vie cet arrière-goût d'amertume apprécié des vrais connaisseurs. Un tiers de sang encore chaud, garanti humain moins cher que l'eau du robinet. Un tiers de larmes sucrées, salées, ayant été versées par les yeux les plus doux. Deux doigts de dérision millésimés, maintenus au frais, à férocité constante, un zeste de piment emportant la bouche et un nuage de colère noire. Le tout sans amuse-gueule à boire cul sec, absolument seul, imperturbable face au désastre. Et pour finir, j'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui dont le cœur tremble d'amour pour tous ses frères en humanité, celui qui désire ardemment plus pour eux que pour lui-même, liberté, paix, dignité, celui qui considère que la vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses divinités, j'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui, celui qui, dès qu'il ouvre les yeux au matin, se pose la question « Que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être homme ?» 10 janvier 2015. L'espoir à l'arraché. Abdelatif Lahabi. Jacques Bonafé, merci. Vous nous lisiez cette semaine des textes donc d'Abdelatif Lahabi.